Le dos argenté. Nathalie serre ma main très fort car le sentier est assez abrupt. Abrupt mais surtout très glissant. Heureusement, elle a suivi mes conseils et chaussé des patogas au lieu de ses santiags. Pour le reste, elle est fidèle à sa tenue de brousse habituelle. Le jour est à peine levé et la pénombre du sous-bois où nous progressons ne facilite pas notre descente. Bien qu'elle ait coiffé sa casquette, je la précède et veille à ce qu'aucune branche épineuse ne vienne se prendre dans ses cheveux. Lorsque nous avons arrêté le Pajero en lisière de forêt et coupé le moteur, nous entendons droit devant nous un murmure tout juste perceptible. Maintenant, au fur et à mesure que nous avançons, ce bruit enfle graduellement et se mue en un grondement sourd. Nous ne voyons pas encore ce qui en est la cause, mais nous sommes tout proches et le vacarme devient tel qu'il va nous falloir hausser la voix pour nous parler. Une pression des doigts sur la main de Nathalie, je désigne quelque chose entre les branches. Suivant la direction de ma main, elle scrute désespérément le fouillis végétal. Elle crie pour se faire entendre. « Quoi? Je ne vois rien. » J'approche ma bouche de son oreille. « Regarde bien, tout au fond, c'est l'Ogoué. » Le soleil monte à l'horizon et l'incidence de la lumière a changé, rendant visible ce qui ne l'était pas tout à l'heure. Nathalie finit par distinguer à travers la futaie, les fougères arborescentes, la fantastique masse d'eau du fleuve en contrebas. « Mon Dieu, c'est énorme !» Il nous faut encore descendre pendant 5 minutes et nous ne sommes plus qu'à 20aine de mètres du bord du fleuve sans cependant pouvoir l'approcher. Arbres et fougères interdisent tout passage. Le grondement est si puissant qu'il résonne dans nos poitrines. Je montre à Nathalie le coude à angle droit formé par le sentier. Par là. Je tiens toujours sa main, et c'est comme si nous étions connectés. Je sens son émotion que le regard me confirme. Viens, ne crains rien. Plus nous avançons, plus le rideau de végétation qui nous sépare du fleuve s'amenuise. Au bout du sentier, une zone sableuse. Nathalie me retient par la main. C'est une plage. Oui, mais minuscule. Il y a surtout beaucoup de rochers. Encore quelques pas et nous débouchons sur les quelques mètres carrés de sable qui ouvrent sur un paysage grandiose. Nous sommes au bas du plateau Batéké, à la lisière de la forêt primaire. À cet endroit, entre deux rives, royaume de la grande forêt dont la canopée disparaît dans un brouillard d'embrun, le fleuve doit faire 200 à 300 mètres de large. 500 mètres en amont, il déballe la dernière marche de ce qui ressemble à un escalier de géant. Passé cette marche, entre les deux rives plantées d'énormes arbres aux cimes perdues dans la brume, la masse d'eau grondante se précipite sur une pente chaotique avant de disparaître dans un bouillonnement et un brouillard irisé. Je tiens toujours la main de Nathalie. Devant nous, quelques mètres de sable puis un socle d'une roche noirâtre qui constitue la berge et certainement le lit du fleuve. Je ne sais si c'est l'eau qui a creusé le chaos au travers duquel elle s'engouffre. Toujours est-il que le fleuve semble bouillir comme un gigantesque chaudron. Des millions de tonnes d'eau se précipitent sur des arêtes rocheuses à peine émergées et explosent en geysers titanesques, tandis que plus loin, un pan entier du fleuve emprunte une espèce de couloir et le dévale comme un toboggan, ondulant tel un monstrueux serpent au dos liquide. Nathalie est fascinée par le spectacle. Je la connais assez pour pouvoir affirmer qu'à cet instant elle ne fait plus qu'un avec les éléments, le fleuve en furie et la forêt impassible qui daigne tout juste s'écarter pour lui laisser le passage. Je suis certain que tous les muscles de son ventre sont contractés. Je n'en veux pour preuve que sa respiration saccadée, comme si elle venait de courir à 100 mètres. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Elle ne me plante pas ses ongles dans la peau. Je ne peux pas dire que je sois blasé. Impossible devant une telle splendeur, tant de beauté sauvage. Mais il est une autre beauté pour laquelle je n'ai pas assez de mes deux yeux. Mon Dieu, où avais-je la tête ? Nathalie m'a confié son appareil photo. Discrètement, je lâche sa main et extrais l'appareil de son étui. Mode rafale, 3 pas en arrière, et je commence à la mitrailler sous toutes les coutures. L'appareil est bruyant, certes, mais le fleuve l'est bien plus encore, et ce ne sont pas les cliquetis de l'obturateur qui la font sortir de sa transe. Elle tourne la tête vers moi. Le soleil levant l'éclaire en plein. Les opales de ses yeux me fixent intensément et l'expression presque tendue de son visage laisse graduellement place à l'adorable sourire piqué de 2 fossettes qui, à chaque fois, me fait chavirer le cœur. 3, 6 photos. Avant que je ne continue et vide complètement le magasin, elle me stoppe d'un geste. Eh, hey, doucement, je n'ai pas apporté d'autre chargeur. » Elle me prend l'appareil des mains, recule, une à deux pressions sur le déclencheur et je me retrouve dans la boîte en plusieurs exemplaires. Un rapide tour d'horizon, elle trouve un rocher suffisamment haut et plat, y pose le canon, ajuste la visée sur moi et manipule quelques réglages. Elle revient vers moi, ôtant sa casquette et libérant sa crinière d'or. Elle secoue la tête et fait bouffer ses cheveux. J'ai réglé sur 6 prises et mis le retardateur. On a 5 secondes entre chaque pour changer de pose. De la pose sage où elle me tient par la main à l'étreinte passionnée où cambrée elle s'abandonne dans mes bras, tout y passe, y compris la grimace où elle tire la langue à l'objectif. Je récupère l'appareil. Il reste 6 photos. Je lui désigne un rocher à 1 mètre à peine de l'eau bouillonnante. Tiens, mets-toi là. Avec ce décor, c'est bien le diable si je n'arrive pas à faire de l'ombre à David Hamilton. Elle rit. Ok, sauf que je n'ai rien d'une nymphette. Ah, ça je suis bien d'accord. Ici et maintenant, je te verrai plutôt comme la mamie Wata. Sourcil en accent circonflexe de Nathalie. La mamie Wata, qu'est-ce que c'est? C'est du pidgin, ça signifie la femme de l'eau. Dans toute l'Afrique centrale, mamie désigne une femme et Wata vient du mot anglais water. Bref, par cette expression, les Africains désignent l'esprit de l'eau. Tu veux dire que les Africains croient qu'un esprit féminin se cache dans les fleuves, les rivières, les lacs et les marigots. Bref, toute étendue d'eau est susceptible de l'abriter et l'on dit que cet esprit enlève les personnes imprudentes qui se hasardent trop près du bord. Nathalie s'assied sur le rocher. Bien qu'elle prenne un air détaché, je la sens un peu tendue. C'est peut-être une scientifique, mais c'est surtout une enfant d'Erin et chez elle, il n'y a pas de frontière entre logique et irrationnel. Je suis sûr qu'à cet instant, elle murmure quelques mots de conjuration en gaélique pour que la mamie Wata ne vienne pas subrepticement la tirer par les pieds. Avec la masse d'eau qui bouillonne en arrière-plan, elle est magnifique, belle à tomber. Je reste là, à la contempler, oubliant d'appuyer sur le déclencheur. Elle sait ce qu'il convient de faire pour que je réagisse. Juste dégrafer le premier bouton de sa chemise. Entre le moment où le coton s'entrebâille et celui où le déclencheur se bloque sur la dernière photo, il ne s'écoule pas 10 secondes. D'instinct, je sais que jamais plus je ne ferai de tels portraits de Nathalie. Ces quelques secondes ont été un moment de grâce où tout était parfait. Ses yeux, son sourire, ses longs cheveux épars et derrière elle, si belle, si fragile et si forte à la fois, l'écume du monstre liquide. Je voudrais t'en rester là, à la regarder encore. Mais outre le travail qui nous attend, je sais que si nous ne bougeons pas, nous finirons trempés jusqu'aux os par les embruns. Je lui tends la main pour l'aider à se relever. Et dans le geste qu'elle fait pour la saisir, le deuxième bouton de sa chemise se défait. Que n'ai-je gardé une photo? L'instant était fugace, un regard coquin, par en dessous et elle remet bien vite de l'ordre dans sa tenue. À moins d'un mètre de la berge, creusée dans la roche noire, une sorte d'excavation hémisphérique aux parois lisses d'environ 2 mètres de diamètre attire son attention. Elle s'approche et se penche avec précaution. Qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est une marmite de géant. Bien que parlant le français à la perfection, il arrive parfois que le sens d'une expression lui échappe, et c'est le cas pour la marmite. Je sais ce qu'est un géant, mais je ne vois pas très bien ce que c'est qu'une marmite. Je le lui explique. Autrefois, c'était un très gros récipient, le plus souvent fonte, muni d'une très grande anse par laquelle on le suspendait dans la cheminée au-dessus du feu. On accrochait l'anse plus ou moins haut à une crémaillère selon que l'on voulait éloigner ou rapprocher la marmite du feu. Ici, ce n'est que le résultat de l'érosion provoquée par les tourbillons du fleuve. Son visage s'éclaire. D'accord, j'ai compris. Giant pot in English. Mais là où les autres voient une marmite gigantesque, moi je ne vois qu'un jacuzzi. Elle se rapproche du trou. Tu vois, j'avais raison, c'est plein d'eau. On pourrait s'y baigner. Si près du fleuve, ce doit être excitant. Dommage qu'on n'ait pas le temps. Je lui prends la main. Tu as raison, il vaut mieux rentrer. De toute façon, on met toujours une pastille de chlore pour désinfecter l'eau. Une précaution pour éliminer les parasites et nous n'en avons pas. Elle me retient et me dévisage un sourcil levé. Tu t'es déjà baigné là-dedans? Oui, quelquefois. Elle prend ma réponse laconique pour une dérobade. Seule ou avec une dame? Je ris. Oui, seule. Désolé de te décevoir, mais je te promets d'y remédier. La prochaine fois, on prendra des pastilles de chlore et nos maillots de bain. Son indignation n'est pas feinte. Un maillot de bain, dans une nature sauvage comme ça. Je trouve que c'est indécent. J'espère bien qu'il y aura une prochaine fois, mais sans maillot. » Et sans attendre de commentaire, elle m'entraîne vers le sentier. Bien que la remontée soit assez raide, le trajet de retour me paraît moins difficile que l'aller. Moins difficile, mais surtout plus rapide. Trop rapide, en fait. Pour pouvoir la sécuriser au cas où elle glisserait sur cette pente d'humus détrempé, j'ai demandé à Nathalie d'ouvrir la marche. C'était sans arrière-pensée. Rien d'autre que le souci de son équilibre. Mais nous n'avons pas fait 10 mètres que m'apparaît le scabreux de la situation. À moins 1 mètre de mes yeux et pour ainsi dire à portée de main, je me trouve confronté à la chute de rein la plus adorable dont on puisse rêver, sans compter qu'aucun rêve ne pourrait en restituer la perfection. Mon premier réflexe est d'abaisser le regard sur les talons de Nathalie, mais je me dis bien vite qu'outre le fait que la vue d'une paire de patogas n'a rien de très affriolant, je manque à tous mes devoirs au niveau de sa sécurité. Seule une vue d'ensemble peut me permettre d'anticiper un éventuel faux pas. Sauf qu'il m'est pratiquement impossible de garder une focale large. C'est comme si j'avais un zoom automatique implanté dans le cerveau. Je suis systématiquement ramené sur le jeu des muscles que la fine toile du pantalon ne dissimule en rien. 10 minutes plus tard, la pente s'adoucit et nous ne tardons pas à émerger du sous-bois pour déboucher sur la vaste étendue de savane herbeuse où est garé le Pajero. Nathalie se retourne. Je connais ce sourire et le langage de ses yeux mi-clos. Merci d'avoir si galamment assuré ma sécurité. J'étais beaucoup plus tranquille de te savoir derrière moi. Je reste un peu stupide. Je vois bien qu'elle est en mode taquin coquin, mais je ne sais que répondre. Elle rajoute. J'aurais pu glisser. Elle rejoint le Pajero et pose sa casquette sur le capot. Elle a toujours ce même regard lorsqu'elle me fixe à nouveau. J'espère que tu en as autant profité que moi. De son index replié, elle me fait signe d'approcher. Viens, c'est encore tout chaud. Je ne me le fais pas dire 2 fois. En 2 enjambées, je suis dans ses bras. Son baiser est aussi tendre que brûlant. Ses lèvres s'ouvrent et son corps se plaque au mien, avec cette ondulation qui me dit l'intensité de son désir. Mon bras gauche autour de sa taille, qu'elle ploie pour se cambrer et s'offrir. Ma main droite ne sait plus à quel sein se vouer. Ses lèvres se détachent. Je sens son souffle dans mon cou. Jesus Lord, ce fleuve en furie m'a mis en transe. And your eyes on my butt set me on fire. Elle pose un pied sur le pare-buffle, guide ma main pour défaire sa ceinture. Le bruit du zip qui descend. Mes doigts caressent son ventre, s'insinuent sous le contour de la culotte, effleurent son duvet de soie. Elle bascule le bassin pour venir à leur rencontre et... Je la sens brusquement se raidir et frémir tandis qu'elle balbutie. John, oh John! Ce n'est pas le désir qui l'affiche ainsi et fait trembler son corps et sa voix. Ce n'est pas le désir, c'est la peur. Derrière toi. Je la rajuste doucement, son geste brusque, pivote sur mes talons, tandis qu'elle achève de reboucler sa ceinture. Devant nous, à quelques 20 mètres, en lisière de forêt, un énorme gorille nous regarde fixement de ses petits yeux rouges. J'ai l'impression que mon sang se fige dans mes veines. Avec d'infinies précautions, je vais passer Nathalie derrière moi tout en essayant de garder mon calme et d'analyser la situation. L'animal est donc à 20 mètres de nous. S'il décide d'attaquer avec sa force et sa vitesse et malgré ses 300 kilos, il lui faudra moins de 3 secondes pour nous mettre en pièces. Je sais par ailleurs qu'un gorille ne charge jamais s'il ne se sent pas menacé ou provoqué. Notre véhicule est pile aligné dans sa direction, ce qui signifie qu'étant juste devant le capot, nous avons la même manœuvre à effectuer que nous décidions de passer à droite ou à gauche pour remonter à bord. Il est hors de question que je laisse Nathalie embarquer seule de son côté pour embarquer du mien. La solution, c'est de rester ensemble et que tout en la protégeant, je la fasse embarquer à l'arrière avant de m'installer au volant. Il ne m'a fallu qu'une fraction de seconde pour conduire cette réflexion. Sans me retourner, aussi doucement que je le peux, je dis à Nathalie « Fais comme moi, baisse-toi, accroupis-toi, et surtout ne le regarde pas dans les yeux, baisse la tête. Calque tes mouvements sur les miens. Nous allons passer par la gauche du Pajero et tu monteras par l'arrière. Surtout, reste toujours bien derrière moi. » Une toute petite voix me répond « D'accord, John, d'accord. » Il est temps de bouger. À son attitude, je vois bien que l'animal commence à s'énerver. Il se balance de droite à gauche et émet des grognements étouffés. Lentement, je fléchis les genoux. J'ai passé une main derrière mon dos et Nathalie s'en est saisie. Je sens donc qu'elle aussi se baisse. J'incline la tête vers le sol, mais continue d'observer l'animal à la dérobée. Une fois accroupi, j'entame une longue et difficile marche arrière qui doit nous amener à hauteur des portières gauches du 4x4. Le gorille a cessé son balancement. Est-ce le signe qu'il se calme ou qu'il s'apprête à charger? Je m'efforce de ralentir encore. Au moindre geste qu'il interprétera comme hostile, ce sera terminé pour nous. Derrière moi, Nathalie reproduit fidèlement chacun de mes mouvements. Nous sommes parvenus à l'extrémité gauche du pare-choc et commençons à reculer. C'est alors que l'animal se redresse de toute sa taille puis fonce sur nous en poussant des aboiements si violents qu'il nous explose les oreilles. Nathalie laisse échapper un cri étouffé comme un gémissement. Tout comme moi, elle doit croire que sa dernière heure est venue. Je me prosterne face contre terre, l'enjoignant à m'imiter d'une pression de la main. Je ne sais si c'est ce geste qui décide de notre sort. Toujours est-il que la bête stoppe net sa charge à moins de 5 mètres de nous, se dresse une nouvelle fois et tambourine sur sa poitrine de ses poings gros comme des ballons de basket. Combiné à un dernier cri, ce bruit est terrifiant. Nathalie et moi ne bougeons plus, tétanisés. Puis, c'est le silence. Je risque un œil à la dérobée. Appuyé sur ses poings, l'animal s'éloigne d'une démarche en crabe. Vu du dos, il est encore plus impressionnant. Sa toison argentée roule et ondule à chaque contraction d'une musculature monstrueuse, tout particulièrement au niveau des cuisses et des fessiers. Nathalie n'a pas lâché ma main. Elle la serre à m'en faire mal. Il faut profiter de ce répit. D'une pression des doigts, je lui demande de reculer et très vite. Nous sommes à hauteur des portières alors même que le gorille se retourne, se redresse et, babine retroussée, d'un dernier roulement de tambour nous enjoint de déguerpir. Je ne sais plus trop comment, je fais monter Nathalie à l'arrière et m'installe au volant. J'essaie de récupérer et d'une main tremblante mets le moteur en route. Dans le rétro, je vois le visage de Nathalie décomposé par la peur. Elle pleure à gros sanglots. Je la consolerai plus tard. Pour l'instant, il faut partir, car il serait illusoire de croire que notre coquille d'acier de verre nous protège en quoi que ce soit de ces 300 kilos de force brute. Le moteur tourne. Une marche arrière très lente sur une 30aine de mètres, puis, volant braqué à fond sur la droite, je fais demi-tour dans un large virage. Un coup d'œil au rétroviseur, je vois le dos argenté s'enfoncer dans la forêt. 100, puis 2, puis 500 mètres. Nous sommes hors de danger. J'arrête le véhicule et me retourne vers Nathalie. « C'est ok, tu peux venir. » Je pensais qu'elle allait descendre et me rejoindre à l'avant, mais elle est trop terrorisée pour sortir du Pajero. Avec une fluidité qui en dit long sur sa souplesse, Nathalie se faufile sur le siège avant. Sitôt assise, elle se jette dans mes bras. Elle ne pleure plus, mais son corps est encore secoué de sanglots. Nous restons comme cela sans parler pendant une bonne minute, serrés l'un contre l'autre, puis elle se dégage de mon étreinte. Son beau visage, encore crispé par la peur, elle bredouille. « Je t'en prie, partons. » Nous n'allons pas échanger un seul mot. Jusqu'à ce qu'un quart d'heure plus tard, je stoppe au milieu de la savane sur la zone des relevés. Du dos de la main, je caresse sa joue. Tu veux descendre, il n'y a plus rien à craindre. Les gorilles sont des animaux craintifs. Ils restent toujours en lisière de forêt et ne s'aventurent jamais dans la savane. Nathalie manque s'étouffer. Des animaux craintifs. Parce que c'est un animal craintif que nous venons de voir. John, tu te moques de moi. Il aurait pu nous réduire en bouillie. Je lui prends la main. Et avec toute ma tendresse, dépose un baiser sur le bout de ses doigts. Elle a les mains glacées. Non, Nat, je suis sérieux. Ils sont vraiment craintifs et n'attaquent que s'ils se sentent en danger ou si leur groupe est menacé. En dehors de l'homme, ils n'ont aucun prédateur et ils le savent. Il n'y a que leurs petits et les jeunes individus qui pourraient être des proies. Mais tu as vu, avec un mâle dominant comme celui-là, le groupe n'a rien à craindre des grands fauves. Elle me regarde fixement. Peut-être mon sourire qui l'apaise. Comment peux-tu être si calme? On vient d'échapper à une mort horrible et tu es là à me parler avec une telle décontraction que tu en es presque inhumain. Si tu savais la trouille que j'ai eue, tu ne dirais pas ça. Elle me dévisage ébahie. Toi, la trouille. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi froid. Tu n'as pas entendu ta voix? Non, qu'avait-elle donc? Tu m'expliquais comment il fallait faire comme si tu lisais un mode d'emploi. En fait, je ne sais plus qui m'a fait le plus peur, le gorille ou toi. » Je ris. Et moi qui pensais te rassurer. Je prends une bouteille d'eau dans le frigo du Pajero et la lui tends. « Tiens, bois, ça te fera du bien. » Elle boit une grande lampée, fait la grimace. « C'est plutôt d'un verre de Rennebrest dont j'aurais besoin. » Elle dit ça avec un sérieux qui me fait sourire. « Puis-je te rappeler qu'il n'est même pas encore 8 heures et que nous venons juste de prendre notre petit déjeuner ?» Elle pouffe. « Tu fais bien de me le rappeler. Je crois que nous avons du travail. » « Ouf !» Elle a l'air d'avoir récupéré. Elle pose la main sur la poignée, se ravise et se retourne vers moi. « Nous avons du travail, mais d'abord je voudrais que tu m'expliques. Comment savais-tu que ce monstre n'allait pas nous écharper ?» Je la regarde interloquée. « Je n'en savais rien. » « Alors pourquoi m'as-tu expliqué si calmement ce qu'il fallait faire, se baisser, ne pas le regarder dans les yeux, ne pas lui tourner le dos, et je ne sais quoi d'autre ?»« Ah oui !»« Eh bien, c'est parce que lorsque j'étais ici il y a 4 ans, quelqu'un m'a donné ses conseils pour le cas où je me trouverais face à une de ces bestioles. »« Une bestiole, il y a 4 ans. »« Je suis vraiment très heureuse que tu aies une si bonne mémoire, mais surtout que tu ne te sois pas laissé impressionner par cette bestiole. » Elle plaisante et l'a vraiment récupérée. « Je te répète ce qui m'a été dit à l'époque. Il faut d'abord que tu lui montres que tu le reconnais comme le dominant, en te mettant plus bas que lui, et que tu ne le regardes pas dans les yeux. La position debout et le regard direct sont des signes de défi. Si tu te soumets, il va répondre comme il l'a fait par un simulacre d'attaque. « Ah, c'était un simulacre. » « Oui. » Comme il a vu qu'on s'inclinait, il a accepté notre soumission en se retirant et en nous montrant son dos pour bien nous faire comprendre qu'il ne nous craignait pas. Il a vu aussi que nous n'étions pas armés et donc pas dangereux. Mais il fallait qu'il marque sa souveraineté sur son territoire. Tu as bien vu que son dernier geste a été de se dresser, de se frapper la poitrine en signe de victoire. Nathalie me dévisage, intriguée. Tu en parles comme s'il était humain. Il l'est peut-être davantage que nous. Il ne tue que pour se défendre, ou défendre ses petits. Mais ce qui m'intrigue... Je me gratte le menton. Nathalie est suspendue à mes lèvres. Oui, tu disais, qu'est-ce qui t'intrigue? Le fait que ce gorille, et certainement son groupe qui ne devait pas être bien loin, n'avait rien à faire dans le coin. Ce n'est pas leur territoire. Normalement, ils évoluent à 3 ou 4 kilomètres d'ici, dans un coin de forêt en lisière, duquel nous leur avons dédié une parcelle. Sourcil en accent circonflexe de Nathalie. Une parcelle dédiée, je ne comprends pas. C'est-à-dire que nous leur avons aménagé une parcelle de canne en bordure de leur territoire. Ils y prennent ce dont ils ont besoin et ainsi ils ne sont pas tentés de faire des incursions dans d'autres parcelles. Ils l'ont très bien compris et ne sont pas effrayés quand nous venons entretenir leur garde-manger. On les voit qui nous observent de loin. D'ailleurs, je me demande si... Si quoi? Décidément, tu ne finis pas tes phrases. Oui, excuse-moi, je réfléchissais. Il se pourrait bien que ce soit notre groupe qui vient de je ne sais où et qui cherchait un nouveau territoire. Intriguée, Nathalie me demande « Pourquoi dis-tu chercher au lieu de cherche ?»« Parce que maintenant il l'a trouvé. » Quand nous avons fait acte de soumission devant le dos argenté, nous lui avons de facto cédé ce qu'il considérait comme notre territoire. Je crains que l'endroit ne soit devenu inhospitalier pour quelque temps. Il va falloir en informer les cadres, mais discrètement. Discrètement, pourquoi discrètement ? Parce qu'ils sont les seuls d'avoir un véhicule, et donc susceptibles de jouer les touristes dans le coin. Si l'information fuitait au niveau du personnel, tous les villages alentours en seraient bientôt informés et ce serait un massacre. Expression d'effarement sur le visage de Nathalie. L'effarement lui va bien, mais toutes les expressions lui vont bien. Même tout à l'heure, alors qu'elle avait très peur, elle était belle comme une madone. Mais tu m'as dit que les gorilles n'attaquaient les humains que s'ils avaient à se défendre ou à défendre leurs petits. Justement! Ils ne le pourraient pas. Si leur présence était connue, tout ce qui ressemble à un fusil serait sur zone dans les jours qui suivent et même les gorilles n'ont aucune chance face à un fusil. Pour les villageois abatéqués, c'est de la viande et rien d'autre. L'émotion revient sur le visage de Nathalie. Oh mon Dieu! Mais pourquoi ne s'en prennent-ils pas aux gorilles de la parcelle dont tu me parlais? Parce que nous les avons fait recenser par le CIRBF. Et que nous avons nommé des responsables de leur protection parmi le personnel qui entretient la parcelle. Il y a un recensement tous les 6 mois, et les gens touchent des primes si tout va bien. De plus, en guise de dédommagement, nous accordons les soins gratuits à notre dispensaire pour tous les villages concernés. Réflexion de Nathalie. Si l'entreprise protège les gorilles, pourquoi le groupe Budo argenté de ce matin risquerait-il quelque chose? parce que la zone où nous étions ce matin ne fait pas partie de la concession obtenue de l'État. Donc les villageois ne se sentiraient pas engagés pour tout gorille en dehors de la plantation. Petit rire un peu forcé de Nathalie. Je trouve que c'est bien triste de considérer de tels animaux comme de la viande, c'est presque de l'anthropophagie. Elle pousse un petit soupir. Quand je ferme les yeux, je revois cette énorme tête et ses petits yeux rouges. Je crois que nous ne sommes pas prêts de prendre un bain dans la marmite de géant. Je lui caresse la joue du bout des doigts. Oh, pour ça, ne t'inquiète pas. Il y a des marmites de géant partout, tout au long du fleuve. Il y en a même une énorme en contrebas de la maison de Sylvain. Sylvain, oui, mon ami, tu sais, le directeur du CIRVF dont je t'ai parlé. C'est chez lui que nous allons être hébergés pour une semaine quand nous travaillerons dans la zone de Franceville. Il ne m'aurait pas pardonné si nous avions été à l'hôtel. Il a une très grande villa au bord du fleuve. L'espace d'une seconde, le visage de Nathalie se rembrunit. Sans doute songe-t-elle, tout comme moi, que ce sera notre dernière semaine en Afrique. J'ai hâte de connaître ton ami, mais pas trop tôt quand même. Les jours passent si vite. Sans transition, j'ai devant moi la consultante de la NASA. Bon, on n'est pas encore en vacances. Allez, au travail. Et nous nous mettons au travail. L'effort physique et la concentration nécessaires à la manutention et la mise en station des délicats instruments de mesure nous aident à évacuer le reliquat de stress. La matinée s'écoule rapidement, sans que nous fassions une pause, sauf pour changer de site. Je réalise tout à coup que notre rencontre avec le dos argenté nous a sérieusement mis en retard et que nous ne serons jamais à l'heure pour déjeuner au club. J'en fais part à Nathalie, en train de tapoter un des nombreux cadrans de la mallette de contrôle. Je vais passer un appel radio à Madame de la Place pour qu'elle prévienne le club. Sinon, nous devrons nous contenter d'une omelette. Je la rejoins 10 minutes plus tard. C'est OK. Madame Rodriguez fera déposer les gamelles dans la cuisine. Nous n'aurons plus qu'à réchauffer. Pas de problème. C'est un chili con carne. J'espère que tu aimes. C'est tout juste si elle relève la tête du bloc où elle est en train de griffonner une suite de chiffres, de lettres et de symboles bizarres. Tu demandes à une Texane si elle aime le chili. Pourquoi ne pas demander à un Belge s'il aime les frites? Là, je suis sûr que Nathalie s'est remise de ses émotions. J'ai bien fait d'appeler. Il est presque 14 heures lorsque je stoppe le Pajero devant la villa et nous avons l'estomac dans les talons. Un quart d'heure plus tard, je dépose la dernière mallette dans la pièce de stockage. Nathalie me fait un bisou du bout des lèvres. Pour les autres bisous, tu devras attendre un peu parce que j'ai tellement faim que je serai capable de te mordre. J'ai allumé le gaz sous la casserole. Le temps de prendre une douche et ce sera prêt. Je file. À tout de suite. Il disparaît dans le couloir, me laissant là planté au milieu du séjour. Le temps de ravaler ma déception et je suis sous la douche, seul dans ma chambre. Lorsque je reviens dans le séjour, je l'entends s'affairer dans la cuisine. Elle a déjà mis la table et à l'instant où je m'apprête à la rejoindre, elle s'avance avec un plat fumant de chili comme si elle portait le Saint-Sacrement. Sauf qu'elle ne fait pas vraiment dans le genre enfant de cœur. Pieds nus, shorts de coton blanc ultra court et débardeur bleu barré d'une énorme inscription en lettres blanches Paris, Texas. Je ne connaissais pas. Je veux dire le débardeur. Paris au Texas non plus d'ailleurs. Elle a posé le plat sur la table et je m'approche sournoisement pour vérifier la nature du tissu du débardeur, ou plus exactement son contenu. Et un coup de cuillère en bois sur les doigts et je retire prestement ma main. Aïe! Estime-toi heureux, j'aurais pu te mordre. Allez, à table, j'ai trop faim. Par rancunier, je lui avance sa chaise. Nous avons tellement faim que le repas se déroule sans que nous échangions un seul mot. Sans échanger un seul mot peut-être, mais elle me mange du regard et je la dévore des yeux. Le stress de tout à l'heure a certainement décuplé notre sécrétion hormonale. Je l'aide à débarrasser pour libérer la table sur laquelle elle étale aussitôt cartes, feuilles de relevé et fiches de calcul. Je vais devoir la laisser travailler et je m'apprête à m'éclipser discrètement lorsque sa remarque me fiche sur place. Pas le temps de faire une sieste, mais crois-tu que pour autant je sois en état de travailler? Notre aventure de ce matin avec King Kong a bien dû tripler mon taux d'ocytocine. Et tu partirais sans même me faire un bisou? Ses yeux ne sont plus que de minces fentes au travers desquelles un laser bleu me cloue sur place. Elle se mordit les lèvres et je vois fugacement dépasser un petit bout de langue. Je toussote, bafoué. Je vais appeler le directeur financier et lui expliquer que je suis retenu. Le téléphone est sur un guéridon à côté du canapé. Je décroche et tape les trois chiffres du poste du DF. Monsieur Longala, Jean Rine. Oui, je vais être retenu tout l'après-midi. Madame Lorlaine réclame mon assistance pour approfondir un point particulier. C'est ça. On se voit demain. Même heure. Je raccroche. Nathalie s'est dangereusement rapprochée et continue d'avancer vers moi sans me quitter des yeux. Encore un pas et il est trop tard. L'assise du canapé est juste derrière moi. Une légère pression de son index sur ma poitrine et je perds l'équilibre. Je n'ai guère le temps de réagir. Elle est déjà sur moi. Un point particulier à approfondir. Tiens donc. Je suis curieuse de savoir où se situe ce point. Le bâillon de ses lèvres ne me laisse pas la moindre chance de répondre. À suivre, livre quatrième.